flamands ondulatoires. D'ailleurs, y'a qu'à voir mon réseau. Aventure courte matin et soir, et moi jamais sur les photos. Je suis un amant frociatoire, comme la grande pendule du salon. Entre le tic et le tac, j'essaie d'y loger la passion. Un amant transitoire, écrit en légère perdition. Dans mes bras entre deux histoires, bien apprécier ma compassion. Je suis un amant comme un phare, je tire les femmes du voyage. Qui évite la noyade car nous partagerons le naufrage. Je suis un amant alternatoire, y'a pas d'autre mot pour me nommer. Je suis pas monté en série noire, du moins pas plus je fais aller. Je suis un amant ricochatoire, et si tôt qu'on y tombe ma foi, de me revoir, il n'est pas rare que ça arrive deux ou trois fois. Un amant provisoire accompagné de sentiments. Mais un jour il faut le savoir, on procédera au remplacement. Je suis un amant sur liste noire, un prochain amour à débattre. Encore un de ces sales traquenards, une mauvaise carte à battre. Je suis un amant giratoire avec le sens des priorités. Peut-être qu'il m'arrivera tôt ou tard d'effectuer un tour complet. Je suis un amant déambulatoire, on te prend l'envie de chanter. Et mes prières sont mes espoirs d'atteindre ton éternité. Mais avant d'être amant fixatoire, sans pour autant être violent, oh madame, j'aimerais bien vous croire qu'il ne se passera plus rien avant. Dites que je suis amant en mouchoir, pour moi pleurez moins de soucis. Surtout que je suis recyclatoire, madame, pensez à vos enfants.